ma surprise. C'est une fille qui m'a conquise. Mais alors, de quel genre elle est? Plutôt dentelle ou plutôt cuir? Une épée de bois, cuir, des postiches, dentelle, l'on albire des bandelettes. La conquête est truquée.